les moyens à l'éducation. Voilà. Oui, bonjour. Ben, merci au stand d'éducation populaire de m'accueillir. Je pense qu'on peut s'installer s'il y en a qui sont intéressés par l'éducation. Bon, alors je m'appelle Cécile donc et je suis enseignante spécialisée dans l'Essonne, dans des écoles prioritaires ou non. Dans un, ce qui reste des RAZ, vous en avez peut-être entendu parler, réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Alors je ne viens pas apporter une parole d'expert, hein, mais juste un témoignage qui me paraît important, puisque je circule pas mal dans les écoles. Et donc il me paraît important que tous les citoyens soient au courant de ce qui se passe dans nos écoles. Donc je vous propose un petit témoignage et puis peut-être des éléments de réflexion sur le nombre de postes dans l'éducation nationale, l'évaluation internationale PISA pour la France et deux exemples de modèles éducatifs à Shanghai et en Finlande. Alors j'ai intitulé cette intervention « L'urgence de donner des moyens à l'éducation » puisqu'apparemment c'est le thème du week-end sur l'urgence. Alors dans les médias, chacun utilise ce mot « urgence » à sa manière. Au lendemain du 14 juillet, j'étais un peu déçue de voir que encore je ne partageais pas ce que l'on nous servait comme soupe, puisqu'on nous sert l'urgence à tout bout de champ, l'urgence de produire de l'information avec des médias qui veulent du sensationnel, l'urgence de répondre à l'émotion que suscite un acte violent par un renforcement de la démagogie sécuritaire, et tout ça pour nous faire avaler de force une guerre et une réduction de nos libertés. Moi, à ce moment-là, je me dis que l'urgence, c'est pas forcément ça, mais c'est peut-être de combattre la violence, mais pas par plus de violence, mais peut-être par plus d'éducation. Il n'y a que l'éducation qui peut servir à canaliser la violence et à la transcender. Et l'éducation, c'est tout le contraire de l'urgence. Sûrement que les parents savent bien que l'éducation, ça demande du temps et une vision à long terme. Alors certains l'ont très bien dit, comme Maria Montessori, pour établir la paix durablement, est le travail de l'éducation, et la politique ne peut qu'éviter la guerre. Et encore, on se demande en ce moment si c'est vraiment ce qui se fait. Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse être utilisée pour changer le monde ». Je crois que c'est ce que l'on a envie de faire ici, donc c'est bien de s'intéresser à l'éducation, mais ça se fait beaucoup. Et Pauline Kergomar, qui a fondé les écoles maternelles, disait « Laissez-vous convaincre, c'est en faisant méthodiquement et sans défaillance l'éducation de la liberté que vous élèverez des êtres libres. » Donc on ne peut pas élever des enfants, éduquer des enfants à la liberté si on ne leur donne pas cette liberté. Et on ne peut pas dire qu'avec l'état d'urgence que l'on nous prépare, on ait envie de mettre en valeur cette liberté qui est chère à notre République. Ou encore, vous connaissez sûrement la phrase de Victor Hugo, « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Donc, dans cette perspective de donner des moyens à l'éducation, moi, ce que j'ai constaté en me baladant d'école en école, c'est qu'on a une école qui va très mal. Au lieu de rencontrer des enseignants épanouis et des élèves épanouis, qui auraient envie d'apprendre parce que ça pourrait être le plus beau cadeau qu'on pourrait leur faire, puisque apprendre, c'est ce qu'ils font spontanément depuis qu'ils sont nés. Au lieu de cela, on rencontre des enseignants stressés, qui crient, des ambiances de classe souvent tendues, avec des méthodes pédagogiques directives, frontales, des profs qui se sentent dépassés par certains élèves, par la charge de travail, par les conflits avec certains parents. Souvent, ils veulent bien faire, mais ils ont trop d'élèves dans leur classe pour s'occuper des élèves en difficulté. Il y a la pression du résultat, du programme. Alors on se dit, pour les élèves en difficulté, il doit sûrement y avoir une autre solution, peut-être les réseaux d'aide spécialisée, par exemple. Eh bien, il faut savoir que ces réseaux ont largement été cassés sous l'ère Sarkozy, puisqu'on est passé de 15 000 postes à 10 000 postes, donc un tiers de postes en moins. Et ça ne s'est pas tellement arrangé sous l'ère Hollande, puisqu'il devait créer 60 000 postes. Et on a eu droit quand même à une centaine de postes en 2012, soit même pas 2% de ce qui avait été supprimé par ailleurs. Et on se dit, bah, peut-être que le temps faisant, ça va s'arranger. Bah, en 2015, on a créé 63 postes d'enseignants spécialisés, donc même pas 1,3% de ce qui a été supprimé. Et concrètement, dans ma circonscription, depuis 2012, on a eu 10% d'élèves supplémentaires. Alors on se dit, ben, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de fait. Ben oui, quelque chose a été fait. Ils ont supprimé un poste. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on a plus d'élèves qu'on a plus de postes d'enseignants spécialisés. Et ça se traduit concrètement dans les écoles par le fait que ben, je ne peux aider que les grandes sections, les CP et les CE1. S'il y a des élèves en difficulté dans les autres classes, c'est à peu près impossible que je m'en occupe. Et puis même dans ces classes-là, ben, je ne peux pas m'occuper de tous les élèves en difficulté. Alors on se dit, ben, peut-être il y a des structures extérieures à l'école qui pourraient peut-être aider ces enfants en difficulté. Eh bien, il y a très peu de places chez les orthophonistes. Pour avoir une place au CMPP, quand les parents arrivent à comprendre qu'il faut qu'ils inscrivent leurs enfants, il faut 1 an et demi d'attente. Donc autant vous dire qu'il s'est passé des choses dans leur vie d'écolier en 1 an et demi. Et puis alors les CMP, il n'y en a presque plus. La réussite éducative, donc une belle invention, elle n'intervient maintenant que dans les zones urbaines sensibles. Et en fait, pour qu'une école soit en zone urbaine sensible, il faut que vraiment son adresse postale soit en zone urbaine sensible. Si elle est de l'autre côté de la rue, ben, elle n'est pas considérée en zone urbaine sensible et on ne mettra pas les moyens qu'il faut pour aider les élèves. Alors on se dit, bah, peut-être que forcément il y a des élèves qui n'ont pas le niveau, donc on va peut-être les faire redoubler. Eh bien, dans ce contexte-là, même le redoublement est interdit maintenant, même si ce n'est pas forcément le moyen le plus efficace pour aider les élèves, ça pourrait peut-être en aider certains, mais en fait c'est trop cher, donc on ne fait pas redoubler les élèves. Alors on se dit, bah, bon, il n'y a pas assez d'enseignants, alors peut-être que s'il n'y a pas la quantité, il y a au moins la qualité. Eh bien, il faut savoir que la formation continue des enseignants est réduite à presque rien. On nous dit que les notes, c'est pas bien. Eh bien, quand est-ce qu'on a des formations qui aident les enseignants à faire d'autres systèmes de notation et d'évaluation pour les élèves ? Même quand il y a des bonnes volontés, moi, j'avais mis en place un système d'évaluation issu de pédagogie alternative. Je m'étais proposé pour le partager avec mes collègues de la circonscription. Les conseillers pédagogiques n'ont pas trouvé intéressant de s'y attarder plus que ça. Alors, je ne vous parle pas des formations à l'éducation bienveillante, à la gestion des conflits. On se dit que la guerre, c'est pas bien, mais si on n'apprend jamais aux gens à trouver d'autres moyens pour résoudre leurs conflits et à passer par le dialogue dès le plus jeune âge, eh bien, on ne pourra jamais lutter contre la violence. Et de là à parler de création de relations pédagogiques saines par des analyses de pratique, cela est réservé pour les enseignants qui veulent bien y mettre quelques copecs. Alors dans ces conditions-là, bah, évidemment, les enseignants vont mal. Il n'y a pas non plus de médecine du travail, hein, parce que sûrement qu'être devant des enfants, ça n'est pas très important pour leur santé. Et puis, il y a très peu de remplaçants. Alors, il ne reste plus qu'aux enseignants à se débrouiller, à payer des formations eux-mêmes ou à se concerter avec leurs collègues. Mais cela demande du temps et ce n'est pas ce qui est prévu. Le temps qui est prévu est largement insuffisant. Alors, ça, c'est le constat que j'ai pu faire sur le terrain. Alors, on peut se dire c'est juste une perception assez personnelle de la situation. Mais quand même, on peut rappeler quelques chiffres. Donc, sous Sarkozy, il y a 80 000 postes d'enseignants qui ont été supprimés. Hollande a promis dans son engagement numéro 36 d'en rétablir 60 000. Donc déjà, vous voyez qu'il y en a 20 000 qui manquent, mais bon, on se dit au moins ce sera 60 000. À la rentrée 2015, il en était soi-disant à 35 000. Alors, on n'a rien vu sur le terrain. On ne s'est pas dit qu'il y a moins d'élèves dans les classes. Il a créé 21 500 postes d'enseignants en équivalent temps plein. Donc déjà, ça fait 10 000 de moins. Et puis ensuite, si on compte l'augmentation démographique avec 260 000 enfants supplémentaires, eh bien, ça fait 10 000 enseignants qui sont absorbés par l'évolution démographique. Donc voilà, sur le terrain, dans les classes de maternelle, une classe de maternelle sur deux a plus de 25 élèves. Et il y en a 7500 qui ont plus de 30 élèves. Alors imaginez ce que c'est un enfant qui passe d'une structure familiale aller à 3, 4, 5 personnes à une classe de 32 élèves avec un seul adulte pour s'en occuper. On peut pas dire que ce soit les conditions idéales pour rentrer dans le système éducatif de la bonne manière. Alors le gouvernement se félicite en se disant il y a 90% des postes du secondaire qui sont pourvus. Il ne vous aura pas échappé que ça fait quand même 10% qui sont non pourvus. Donc pour un collégien, ça fait à peu près un prof qui n'aura pas à la rentrée et donc des heures d'enseignement encore perdues. La loi de refondation sur l'école en 2013, donc une belle loi qui prévoyait qu'on aide tous les enfants à réussir, prévoyait 7000 postes dans le dispositif plus de maîtres que de classes. Alors ça, c'était une idée assez intéressante parce qu'en fait, on prévoyait de mettre dans une école de 10 classes, par exemple, 11 enseignants pour qu'il y ait un enseignant qui aille de classe en classe pour aider à faire des projets, justement à faire du travail d'équipe, peut-être pour faire évoluer un petit peu les méthodes pédagogiques. Eh bien, sur les 7000, seulement 2000 ont été créés. Pour la scolarisation des moins de 3 ans, puisqu'on se dit que si les enfants plus dans les milieux défavorisés, plus ils sont scolarisés tôt, eh bien plus ils ont des chances de réussir. Donc ils avaient annoncé 3000 postes, eh bien, ils en ont créé 791. Donc il leur reste un an pour arriver à leurs objectifs, ça va être un petit peu difficile. Alors il y a une citation d'Abraham Lincoln que j'aime bien, c'est « Si vous trouvez que cela coûte cher, l'éducation, eh bien, essayez l'ignorance ». Eh bien, je pense que c'est ce que l'on est en train d'essayer. Voilà, on est en train d'essayer ce que ça produit l'ignorance. Alors, en termes de résultats, parce qu'on se peut se dire, bon, il n'y a pas assez de moyens, mais bon, peut-être que ça marche pas si mal. Eh bien, il y a des évaluations. Donc, le programme international pour le suivi des acquis qui s'appelle PISA. En 2012, parce que ce sont les derniers résultats que nous ayons, puisque ceux de 2015 vont arriver en décembre 2016, enfin, les résultats. Donc la France est 25e sur 65 pays dits développés. Donc 25e dans le monde, c'est pas terrible pour un système éducatif soi-disant qu'on nous envie avec une école maternelle. Ça veut bien dire qu'il y a quand même des petites choses qui fonctionnent mal. Par exemple, en mathématiques, on a perdu 22 points entre 2000 et 2012 pour les élèves de 15 ans qui ont été évalués. On a beaucoup plus d'élèves en difficulté en 2012 qu'en 2009. Pour le français et les sciences, on se maintient, surtout chez les filles, puisqu'il y a quand même de grandes disparités entre les filles et les garçons. Et en France, on est d'ailleurs le système où il y a la plus grande inégalité entre les filles et les garçons dans les résultats, et aussi entre les milieux socio-économiques. C'est-à-dire qu'on est un des pays où cette différence... entre le milieu socio-économique et la performance est la plus marquée. Donc les élèves de milieux socio-économiques défavorisés n'obtiennent pas seulement des résultats inférieurs, mais aussi sont moins impliqués, sont moins attachés à leur école, moins persévérants et beaucoup plus anxieux que la plupart des élèves des moyennes des pays de l'OCDE. Donc non seulement les résultats ne sont pas terribles, mais en plus on produit des élèves anxieux. Ce qui ne va pas aider à leur évolution. Les élèves issus de l'immigration aussi, on constate qu'ils sont deux fois plus susceptibles de compter parmi les élèves en difficulté. Et alors on se dit, dans tout ça, il y a peut-être des pays alors qu'ils tirent leur épingle du jeu, comment ils s'y prennent, peut-être qu'il y a des choses à prendre chez les autres. Eh bien, en fait, dans les 7 premiers en 2012, il y avait 3 grandes villes de Chine. Alors, ça peut paraître étonnant. Mais alors, il y a des méthodes que je ne crois pas qu'on puisse envier. Alors, par exemple, à Shanghai, j'ai visionné un reportage que je vous conseille de regarder d'envoyé spécial. C'est un système qui est basé sur la répétition, sur la discipline et sur le patriotisme. C'est-à-dire que les individus doivent s'effacer devant la prospérité de leur pays et donc y participer. Alors ils travaillent beaucoup sur les sciences et les mathématiques, mais pas du tout sur l'histoire, par exemple. Donc ils ne travaillent que des domaines qui sont de base et évalués dans les systèmes internationaux. Au collège, les élèves, ils travaillent 14 heures par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente pour un adolescent. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Mais essayez de les faire travailler 14 heures par jour. Ça reste assez compliqué. Ils ont 15 minutes pour manger le midi. Ils font du soutien scolaire le week-end. Et évidemment, les relations amoureuses entre garçons et filles sont carrément interdites, hein, puisque ça n'est pas très productif. Ils arrivent à des bons résultats dans les évaluations internationales. Le problème, c'est qu'ils ont un taux de suicide inquiétant chez les jeunes. C'est la première cause de mortalité en Chine, donc le suicide chez les adolescents. Donc évidemment, ça fait pas tellement rêver. Alors on se dit, y a peut-être un autre pays alors qui fait rêver. Eh bien oui, et c'était la Finlande. Alors la Finlande a eu la première place en 2000 dans les évaluations internationales. La première place en 2003, la deuxième place en 2006 et en 2009 la troisième place. Bon, maintenant quelque peu en recul, la sixième place. Sachant que la France, on est à la 21e place pour la même évaluation. Alors on se dit, mais comment ils font en Finlande? Parce que ça doit être sacrément intéressant. Alors il y a un principal de collège qui faisait partie d'un programme qui allait voir comment ça se passait là-bas. Donc en avril 2006. Alors pour eux, chaque élève est important. Alors on se dit, c'est quand même un peu la base. Alors eux, ils proposent que dans les écoles, il y a un environnement chaleureux. Donc les élèves ne dégradent absolument pas leur école. D'ailleurs, ils s'y promènent en chaussons. Ils disent aimer leur école. Les vols sont inconnus. Ils ont une grande liberté de mouvement et une grande décontraction. Ils ont quand même quelques sanctions. Alors ça revient à avoir une demi-heure de retenue. À l'école maternelle, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ils n'ont pas d'école maternelle, mais ils ont les jardins d'enfants pour les élèves, enfin les enfants de 1 à 3 ans. Eh bien, eux, ils ont 3 assistantes maternelles plus une aide ménagère pour 12 enfants. C'est loin d'une enseignante pour 32 élèves en France. Pour ce qui est de leur équivalent à l'école maternelle, ils ont 2 professeurs, une assistante maternelle et une aide ménagère pour un groupe de 21 enfants. Ce qui n'est vraiment pas ce que l'on trouve ici. Donc évidemment, ils choisissent le mobilier en fonction des enfants, le rythme d'activité. Donc à l'école, pour les plus grands, en fait, jusqu'à 7 ans, donc ils ont des activités d'éveil le matin, enfin la musique, le sport, des activités manuelles, et l'après-midi est réservé aux jeux. Et ils n'apprennent pas à lire avant 7 ans, quand ils sont prêts à apprendre à lire. Et puis les enfants qui ne sont pas prêts, on les garde jusqu'à 8 ans au jardin d'enfants. On attend qu'ils soient prêts à lire, et puis après on les envoie dans l'équivalent d'un CP. Le redoublement est évidemment interdit. Mais les élèves, dès qu'ils sont en difficulté, sont accompagnés par des enseignants spécialisés. Les séances sont limitées à 45 minutes. Ils ont 15 minutes entre chaque séance de repos. Ils peuvent se connecter à des ordinateurs, etc. Donc les élèves qui sont en difficulté, ils sont repérés très tôt pour pouvoir être aidés. Et les enfants qui ont des difficultés, des handicaps par exemple, ils ne sont que dans des classes spécialisées que 5 par classe. Donc c'est loin de nos Ulysse où ils sont au moins 12. Et puis en plus, ils ont des personnes pour les aider dans ces classes-là. Enfin bref, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire la suite. Mais vous avez bien compris que le système finlandais, qui a des bons résultats, n'est pas du tout le même que celui que l'on a en France. Alors en guise de conclusion provisoire, je vous donnerai une petite citation de Mahatma Gandhi qui concerne les individus debout, peut-être un peu comme nous. Et le pouvoir, peut-être comme celui contre lequel on se bat. Et il parle des soumis par opposition peut-être aux insoumis. Il y en a peut-être quelques-uns parmi vous. Alors il a dit, un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. Voilà, donc je vous souhaite bon courage. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Si on a le temps, peut-être pour quelques questions sur le système éducatif français, finlandais, chinois. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que vous dites qu'il y a des problèmes, en gros, quoi, et en France, et comment ça peut se passer pour changer. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, ils ont envie de changer les choses, ou est-ce que ça est amené à être de pire en pire? Ben, la volonté de changer les choses, alors on ne sait pas trop si elle est réelle ou pas. Ils ont fait la loi de programmation de 2013 en disant qu'il fallait aider tous les élèves en difficulté. Ils ont dit qu'ils allaient créer 60 000 postes, mais qui ne servent même pas à couvrir les postes qui ont été supprimés. Donc la volonté, on a l'impression qu'elle est un peu superficielle, quoi. Après, comment on peut changer les choses? Bah, déjà en donnant du temps aux enseignants pour faire évoluer leurs pratiques, pour qu'ils puissent travailler ensemble, en leur donnant une formation continue sérieuse. Voilà, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que justement, si on veut lutter contre la guerre et la violence, il faut apprendre aux enfants à trouver d'autres systèmes de résolution des conflits. Donc il faut former les enseignants à ça. Les enseignants, ils ne sont pas du tout formés à ce genre de pratiques. Alors, ce qui a marché en Finlande, ils ont mis 30 ans hein, à changer leur système éducatif. Ils ont décidé d'un commun accord de se donner une ligne politique qui ne changerait pas, quels que soient les gouvernements politiques qui viendraient par la suite. Donc, ils ont décidé ça. Donc, ils ont beaucoup plus de flexibilité au niveau... Alors, j'en ai pas parlé, mais au niveau du collège et du lycée, les étudiants choisissent un peu leur parcours. Donc, comme ils sont davantage impliqués dans leur parcours, ben, du coup, ils s'y investissent mieux, ils réussissent mieux, ça leur donne confiance en eux. Enfin, c'est une vertu positive. Alors, qu'est-ce que, évidemment, bon, le nombre d'enseignants dans les classes, on n'en parle pas. Alors, quels étaient les trois? Il y avait trois critères qui étaient importants dans leur politique de changement. C'était... Donc la souplesse voilà dans les cursus. Ah oui, et puis le mode d'évaluation. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, c'est dommage, c'est intéressant. Jusqu'à 9 ans, les enfants ne sont pas du tout évalués avec des notes. À 9 ans, ils ont une évaluation notée, mais après... Non, qui n'est pas notée. C'est leur première évaluation à 9 ans qui n'est pas notée. Et seulement à 13 ans, ils commencent à avoir des notes. Et les notes vont de 4 à 10 parce qu'ils ont estimé que de savoir entre 0, 1, 2 ou 3, ce que mettre 2 ou 3 à un élève, ça n'avait pas grande importance. Donc leurs notes commencent à 4 à partir de 13 ans. Donc ils ont un système d'évaluation vraiment différent et ça peut faire changer les choses. Par exemple, alors moi j'avais mis en place dans ma classe un système de ceinture, donc c'est-à-dire par compétence. Donc les élèves passaient de temps en temps des épreuves de ceinture. Et donc, ils les réussissent ou ils les réussissent pas. S'ils les réussissent, ils colorient leur case. Enfin, bon, bref. Et puis, l'avantage, c'est que quand c'est raté, eh ben, ils peuvent les repasser. Et puis, ils savent ce qu'ils ont raté. Donc, ils savent ce qu'ils doivent travailler. Donc, de temps en temps, ils disaient, tiens, ceux qui ne savent pas faire ça, on travaille ensemble. Et puis, après, ils repassent leur épreuve. Et du coup, ils savent où ils en sont. Les parents savent où ils en sont. Parce que quand on a 5 sur 20, on sait même pas déjà ce qu'on sait pas. Exactement. On ne sait pas ce qu'on doit travailler. On sait même pas si on le repassera un jour. Donc ça n'a pas de vertu éducative, quoi. C'est une sanction, un 5 sur 20, sans qu'il y ait derrière de possibilité de se rattraper, de savoir comment on peut évoluer. Donc changer le système d'évaluation, ça c'est un des moyens de changer le système éducatif. Voilà, et puis disait le troisième point, c'était de favoriser des modes relationnels moins distants et moins cloisonnés, et de créer une atmosphère plus chaleureuse et confiante. Bon, évidemment, on se dit que quand les élèves ils travaillent dans des bonnes conditions, ben ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de progresser comme nous, quoi. Si on travaillait dans de bonnes conditions, ben on progresserait davantage, quoi. Alors, je suis désolé, je vais déborder un tout petit peu de la question. C'est parce que moi, ce qui me préoccupe beaucoup dans l'éducation, c'est les inégalités en fait entre les classes sociales. Et est-ce que un système comme la Finlande règle ce problème ou pas du tout? Est-ce que voilà, c'est ça. Alors effectivement, je sais pas si je l'ai dit, effectivement, c'est un des systèmes où il y a le moins d'inégalités justement dans les classes socio-professionnelles par rapport aux résultats. Donc alors bon, ils ont une chance ou je sais pas, enfin non, je vais pas dire une chance, ce serait malvenu, mais en fait ce qui est différent de chez nous, c'est qu'ils ont quand même moins d'immigration que chez nous. Alors chez nous, c'est une richesse, il faut en profiter, il faut faire en sorte que ce soit une richesse pour tout le monde. Ils ont que 2% d'immigration. Alors ce qui se passe, c'est que quand ils ont des élèves qui ne parlent pas du tout finnois, ils ont des cours spéciaux donc en finnois, et ils ont aussi un enseignant bilingue qui les accompagnent dans tous les cours qu'ils ont et donc qui leur permettent rapidement voilà, d'intégrer le même niveau que les autres enfants. Donc ils sont accompagnés. Et puis dès qu'il y a des enfants en difficulté, ils sont aidés. Donc je crois que même le quart inférieur des élèves qui réussissent le moins bien en Finlande est supérieur à la moyenne que l'on a en France, par exemple. Donc même les plus mauvais Finnois sont meilleurs que nos moyens français. En résumé, hein, voilà, après c'est un peu grossier, mais donc il faut en sorte que les élèves ne soient rattrapent, voilà, et puis avancent à leur rythme, et puis avancent dans surtout les matières qui leur plaisent et dans lesquelles ils pourront plus tard travailler, quoi. Moi, j'avais une question justement sur les critères de quand tu dis les Finlandais sont, enfin, il y a un classement, enfin, je sais pas quel organisme, quels sont les critères de réussite entre guillemets. Oui. Alors en fait, il y a surtout trois domaines qui sont évalués. Donc il y a la compréhension écrite de la langue officielle. Il y a les mathématiques et il y a les sciences. Alors à la fois, ils évaluent des compétences purement de connaissances, mais surtout ils évaluent la manière dont ils savent se servir de ces connaissances dans des questions plus générales, enfin un peu déconnectées du scolaire. Et puis il y a beaucoup de statistiques. Alors en fait, c'est l'OCDE qui fait cette évaluation, donc tous les 3 ans. Donc il y a pas mal de pays européens dans ces évaluations, et puis quelques pays comme le Canada, les États-Unis, et puis maintenant des pays de l'Amérique du Sud et beaucoup de pays asiatiques, très peu de pays africains d'ailleurs. Et donc voilà, c'est cet organisme qui fait ces évaluations. Apparemment, elles ne sont pas tellement contestées sur la manière d'être faites. Alors, il y a des échantillons témoins qui sont pris. Je sais pas, je crois qu'il y a 10 000 élèves qui sont évalués par pays. Apparemment, c'est pas ça qui est contesté. Après, c'est plutôt l'interprétation des résultats. Oui, j'avais une question par rapport au... On dit souvent que les enseignants sont jamais contents, etc. en France, mais déjà, la première question que je voudrais vous poser, c'est toutes les réformes qui ont été faites dernièrement, mis à part embêter tout le monde, changer les horaires, notamment complexifier l'organisation, est-ce qu'il y avait vraiment une ambition derrière, justement, de faire évoluer l'enseignement et de favoriser une meilleure éducation? Et là, du coup, enfin, la deuxième question est en lien avec celle-ci. Est-ce qu'il y a est-ce qu'ils vous consultent, voilà, une consultation des enseignants par le gouvernement, justement pour que ces réformes aillent dans le sens de ce qui est demandé sur les gens qui sont sur le terrain? Bon, je pense avoir déjà la réponse à ma question, mais ou bien est-ce que ça se fait, voilà, là-haut, comme ça, et ils font leur truc, qui vous pondent et qui vous imposent Ouais, alors je sais pas si c'est un défaut ou pas. Effectivement, les enseignants sont assez réfractaires aux réformes dans l'ensemble, mais peut-être ils en ont tellement eu dans un sens ou dans l'autre. Bon, heureusement qu'ils ont une certaine liberté pédagogique. D'ailleurs, en Finlande, en Finlande, ils n'ont pas du tout d'inspecteur. Donc en fait, ils sont complètement libres de leur pédagogie. Alors visiblement, la liberté pédagogique, ben, n'a que des bénéfices, quoi. Donc les enseignants, au contraire, ils ont envie de bien faire leur travail et ils n'ont pas tellement envie que ce soit imposé d'en haut. Alors quant aux réformes, est-ce qu'il y a des consultations? Bien évidemment, ils font des consultations. Après, ce qu'ils en font, on ne sait jamais trop ce qu'ils en font. parfois, on sent bien qu'il y a une ligne du programme qui a été portée par un ou deux pédagogue émérite du moment. Donc non, il y a des. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans les programmes. Là, les nouveaux programmes qu'ils sont en train de faire sur la maternelle, la place du jeu est vraiment remise au centre de la pédagogie. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais comme les enseignants, ils n'ont pas la formation qui va avec, ben on pourra changer les programmes. Si on change pas la formation et si on n'accompagne pas les enseignants à changer de méthode pédagogique et à se dire bah qu'est-ce qui marche le mieux, t'as testé ça et ça, bah tu vois bien, ça c'est peut-être plus intéressant, tu vois, tes élèves ils ont un peu plus d'esprit critique. Donc si on ne permet pas aux enseignants d'avoir du recul par rapport à leur pratique, ben on aura beau changer les programmes, ça changera pas ce qui se passe sur le terrain, quoi. Euh, Par rapport au modèle finlandais, en termes de budget, est-ce que les Finlandais, par rapport aux Français, fournissent plus de moyens financiers à l'école? Et où est-ce que la différence se fait sur le contenu d'enseignement? Alors effectivement, j'en ai pas parlé, mais alors le taux d'encadrement est évidemment beaucoup plus élevé en Finlande qu'en France, mais ils accordent à peu près le même taux de dépenses que la France. Ils accordent 7% de leur PIB aux dépenses d'éducation, donc c'est équivalent à ce qui se fait en France. Alors je ne sais pas si, comme ils ont peut-être un PIB qui est supérieur au nôtre, enfin un niveau de vie peut-être supérieur et des ressources peut-être supérieures au nôtre, bah peut-être que globalement ça fait quand même plus de moyens. Là où ils gagnent quand même sur les moyens, c'est qu'en fait, ils n'ont pas du tout de vie scolaire. Par exemple, dans les collèges, nous, on a un système de surveillants avec un conseiller d'éducation, etc. Là-bas, ils n'en ont pas du tout. C'est les enseignants qui assurent cette fonction. Et par exemple, les enseignants, il n'est pas rare qu'ils aillent dans les familles pour voir comment ça se passe dans la famille. Alors en France, ça ne se fait pas du tout. Hein. On cloisonne beaucoup les choses. Et par exemple, ils ont aussi, bon, donc pas d'inspecteur, donc ça fait quelques postes en plus. Et puis, ils ont aussi beaucoup moins d'administration centralisée. En fait, c'est beaucoup décentralisé sur les communes. Alors, je sais qu'en France, c'est pas très bien vu de décentraliser le pouvoir aux communes, mais comme ils ont beaucoup de liberté, ça permet de faire progresser le système beaucoup plus facilement. Par contre, les programmes sont toujours définis par l'État. Donc il y a quand même des choses qui sont centralisées. Mais ils gagnent quelques postes, effectivement, en supprimant la vie scolaire, les inspecteurs, une partie de l'administration. Et ils n'accordent visiblement pas plus de budget que nous à l'éducation. Par contre, les enseignants sont beaucoup mieux reconnus dans la population. Et par contre, les concours sont beaucoup plus difficiles. Sur 1500 dossiers qui sont présentés, il y avait 80 personnes qui étaient retenues au bout du compte. Mais ils se disent qu'une fois qu'ils sont formés, qu'ils ont reçu une formation d'un an ou deux ans, du coup, ils sont complètement libres de leur pédagogie. Ils ont par contre beaucoup de liens avec les universités. Donc, ils continuent à se former tout au long de leur parcours. Donc c'est un fonctionnement différent. Du coup, tu parles de formation pour les professeurs et les enseignants. Je voulais savoir si tu connais la communication non violente et est-ce que tu as déjà entendu parler. Est-ce que tu sais si beaucoup d'enseignants sont formés par ce genre d'organisme ou pas? Et est-ce qu'il y en a d'autres et est-ce que ça fonctionne? Voilà. Oui, alors c'est un mouvement que je connais bien parce que justement j'avais essayé de mettre en place dans la communication non violente, par exemple, ils prennent un système qui s'appelle la médiation par les pairs. Alors dans les cours d'école, par exemple, on forme des élèves à être médiateurs et à recueillir la parole, par exemple, d'enfants qui sont en conflit. Donc il y a tout un protocole, ils s'installent dans le préau, on demande à chacun ce qui s'est passé, quel est son sentiment. Et puis on essaye de trouver une solution, on ne s'attarde pas sur ce qui s'est passé, ça ne sert à rien de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé, mais ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur une solution. Et après, ils remplissent un cahier, etc. Donc ça, c'est issu de ces mouvements comme ça, de la non-violence. Donc ils ont des publications, ils ont des outils qui sont très intéressants, des affiches, des jeux. Il y a aussi l'OCCE qui propose, par exemple... des cahiers coopératifs où à l'intérieur justement de temps en temps soit on apprend à parler de ses émotions, soit on apprend à avoir du recul sur le travail qu'on fait, soit sur justement comment on aide ses camarades par exemple à travailler, même sur des choses quotidiennes. Enfin, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce domaine-là. Mais en fait, quand on fait ça, j'ai voulu mettre en place par exemple cette médiation par les pairs dans la cour. J'ai acheté des bouquins, je me suis formée toute seule et j'avais aucun moyen de demander une formation parce que c'est assez cher. Donc je n'ai pas du tout reçu d'aide de la hiérarchie. Donc ça se fait, mais sur la bonne volonté des gens. Et puis comme ça demande du temps, comme ça demande de l'argent, comme ça demande une volonté de travailler différemment, ça se fait très peu. Ce qui est vraiment très dommage. Oui, il y a des bons résultats parce qu'après, les enfants, je sais pas, quelqu'un qui leur a marché sur les pieds, au lieu de tout de suite lui retourner une baffe, la prochaine fois, il lui dit « tu m'as marché sur les pieds, qu'est-ce qui se passe ?» Ben, l'autre, il lui dit « peut-être j'ai pas fait exprès ». Donc, ils apprennent comme ça à dénouer des petits conflits quotidiens, mais qui prennent des fois des ampleurs considérables. Un gamin, pour une raison ou une autre, qui s'est pris un coup de pied ou un coup de poing à la récréation, il travaille moins bien. Donc, forcément... ça a des répercussions après sur son travail scolaire. Là. Ouais, en fait, ça sera deux témoignages et puis qui amèneront sûrement des questions. Alors, je suis désolé, j'ai pas écouté ton propos, donc si tu l'as déjà dit dans ton propos, tu me le dis tout de suite et c'est pas grave, j'écouterai le replay. J'ai ma mère qui était instit et ma sœur qui est prof, donc l'éducation nationale, je connais bien. Ma mère, elle a travaillé 25 ans à Clichy-sous-Bois dans le 93. À la fin de sa carrière, en fait, elle faisait des réunions le soir avec des traducteurs turcs parce que, en fait, les mères d'élèves et les parents d'élèves, en fait, ne parlaient pas français. Et elle se retrouvait avec des enfants qui savaient dire deux choses, c'était bleu et caca. Et donc, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Au bout de 25 ans de Clichy-sous-Bois, ça l'a usé. Parce que là, pour le coup, c'est faut vraiment aimer son métier pour le faire. C'est pas évident. C'était il y a quelques années. Je pense que c'est encore plus compliqué actuellement. Bizarrement, elle a fini sa carrière dans une école, dans une ville où il y avait un petit peu plus d'argent, moins de problèmes de cité, etc. Plus de moyens. Ma sœur a été prof à Goussainville dans le 95. Pareil, avec une population, on va dire, assez difficile, avec des pères d'élèves qui viennent, qui sont bourrés parce qu'ils viennent voir la prof. Donc très très difficile aussi, avec des enfants qui certains ont du potentiel et qui peuvent faire des études entre guillemets supérieures, mais que les parents pour eux, le but ultime c'est de travailler à l'aéroport qui est à côté. Donc il y a plein de sujets comme ça, et aujourd'hui elle enseigne à Courbevoie. La première chose qu'elle m'a dit, c'est je fais un autre métier. Parce que à Courbevoie, c'est les élèves en fait qui lui demandent, qui lui posent des questions en cours, qui des fois la sèchent sur certaines questions. Elle a dû vraiment reprendre ses cours complètement, parce que du coup en fait elle a... Voilà, là, elle avait plutôt ce rôle de conseillère, on va dire, d'orientation, etc. Alors qu'avant, elle avait plutôt ce rôle plutôt d'éducation. Et c'est là où je ne sais pas si tu en as parlé, mais du coup, normalement, c'est pas l'éducation nationale, entre guillemets, ce rôle d'éducation. Normalement, c'est aux parents. Alors, c'est un grand débat qu'il y a en France par rapport à ça. Et on le résoudra pas ce soir, j'en suis conscient, parce qu'il y a un gros problème de fond. Et peu importe, là, je parle des quartiers, mais ça vient aussi à la campagne, etc. C'est dans un autre contexte, mais on retrouve ces similitudes. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression vraiment, ça tient aux personnes et aux profs ou aux instits. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu une vraie vocation. Et si ces personnes-là, et là, j'ai deux exemples dans ma famille, ne se seraient pas, entre guillemets, battues pour faire évoluer des choses, pour faire rien que des projets pour aller visiter la Notre-Dame de Paris, où ces élèves donc de Goussainville du 95 ont vu sortir le curé et lui ont posé des questions. C'était assez rigolo, ma sœur m'a raconté ça, donc c'était un peu le choc des cultures. Et il y a eu une discussion qui a pu se faire, alors que finalement, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, etc., c'est à 20-25 minutes de Goussainville, donc c'est quand même accessible, mais ces gamins n'étaient jamais venus à Paris. Et c'est vrai que ça repose beaucoup sur les gens, malheureusement. Et au-dessus, on le voit, je suis un petit peu loin, je suis désolé, mais je reviens sur le 93. Pendant un moment, on parlait carrément de faire un bac 93. Il y avait eu cette idée qui avait été très très critiquée. Finalement, ça s'est pas fait. Et j'ai l'impression que les moyens, il peut y en avoir, mais tu l'as dit un peu, ça dépend vraiment des endroits. Et je crois que dans toutes les classements, les machins, on a un gros problème actuellement sur justement cette mixité. C'est-à-dire que voilà, quand on est parent, par exemple, mes parents, ils m'ont fait changer de collège. et de lycée parce que c'était pas forcément là où voulait que j'aille. Mais et donc j'ai pu aller dans un lycée entre guillemets meilleur que ce que je devrais aller. Et il y a encore ce débat en France où il y a plein de gens en fait qui rusent un peu le système. J'en connais même qui font des faux. Enfin, ils sont plus à l'adresse ou c'est le don, l'oncle ou la tante qui sont à l'adresse, etc. pour que leurs gamins puissent aller soi-disant dans de bonnes écoles. Donc c'est vrai que c'est voilà, j'ai ouvert plein de portes. Mais ouais, quand tu parles de moyens, j'ai l'impression que c'est vraiment très disparate, malheureusement, et c'est vraiment en fonction des gens et en fonction aussi des parents, et etc., etc. Oui, alors c'est très intéressant. Je me retrouve dans beaucoup de choses dont tu as parlé, et vraiment c'est ça, il y a des quartiers en difficulté sociale où il y a beaucoup de parents qui ne parlent pas français et qui ne comprennent pas les codes de l'école. C'est ça qui est compliqué en fait, c'est que ils sont loin de l'école, soit ils n'ont pas été à l'école eux-mêmes, soit ils ont un rapport à l'école très difficile, donc ils n'osent même pas y mettre un pied à l'école, donc ils ne se rendent pas compte de ce qu'on demande à leurs enfants. Alors ce qui se passe dans certains quartiers, alors bon bah évidemment ça dépend de l'endroit où on est. Moi je suis par exemple présidente d'un centre social, et ce qu'on fait avec les parents qui viennent apprendre le français dans ce centre social, on leur fait visiter les écoles du quartier. Et ils nous disent, ben, je savais même pas que c'était comme ça dans l'école, je savais pas qu'à la maternelle, on apprenait les jours de la semaine, qu'on faisait des chansons, qu'on faisait de la peinture. Donc c'est super de pouvoir rentrer dans une école pour autre chose que se faire engueuler parce que ses enfants n'ont pas bien réussi. Donc il y a tout ça à développer. Par exemple, on faisait aussi des repas partage. Et il y a des parents, ils venaient avec des plats, alors on a goûté des plats de tous les pays... C'est super sympa et en même temps ils viennent à l'école pour discuter avec les enseignants de leurs enfants, mais sur quelque chose de positif quoi. Nous on veut apprendre quelles sont leurs coutumes en termes d'alimentation, etc. Donc on parle d'autre chose que de difficultés. Et dans ces quartiers-là, les parents ils ont du mal à mettre un pied dans l'école. Et en plus, pour certains, il y a la culture de l'écrit. Nous, on est dans une culture de l'écrit. Tout ce qu'on donne aux parents, c'est des mots à signer. Et puis, des fois, ils les signent, mais ils savent même pas ce qu'il y a écrit dessus. Ou alors, dans le meilleur des cas, ils se font lire par une voisine, mais ils comprennent pas tout. Donc, c'est assez compliqué. Alors, il y a des associations aussi qui viennent avec les parents dans l'école, justement, pour traduire, pour leur décoder un petit peu ce que les enseignants attendent de leurs enfants. Donc, en même temps, les enseignants, normalement, ils ne devraient pas attendre grand-chose des parents, à part le fait que les parents s'intéressent à leurs enfants, ce qui se fait naturellement dans toutes les cultures. Donc, il y a des parents, par contre, qui s'interdisent. Alors, comme ils arrivent d'un autre pays, d'une autre culture, ils se disent moi, la France, je ne connais pas, je peux rien dire à mes enfants. Sauf que c'est pas vrai, parce qu'ils connaissent plein de choses, le respect de l'autre, je sais pas, on tape pas, on tue pas. Ça, c'est commun à toutes les cultures. Mais ils se l'interdisent. Ils se disent, moi, je peux pas parce que je sais pas comment ça se passe. Donc c'est ça un petit peu qui est difficile et qu'il faut arriver à dédramatiser, enfin à dire aux parents, vous êtes des parents à part entière. C'est pas parce que vous venez d'un autre pays. Ce qui est important, c'est aussi d'arriver à intégrer un petit peu la culture des parents qui viennent. Par exemple, il peut y avoir un travail sur les comptines des différents pays. Les parents, ils connaissent des comptines, des berceuses de leur pays, et c'est assez intéressant. Quand ils voient que la culture de leurs parents rentre dans l'école, ils ont beaucoup moins de mal, les élèves, à accepter de partager une culture qui est différente de la leur. Donc il y a tout ce travail-là qui est à faire et qui est vraiment différent de si on travaille dans une école, dans un quartier favorisé. On a moins, même si c'est des gens issus de l'immigration, ils ont déjà acquis pas mal de codes. Donc c'est des élèves qui s'en sortent très bien. Donc c'est pas du tout le même travail quand on soit dans une école ou une autre. Et puis il y avait alors par rapport aux parents, voilà, tout ce travail à faire, ce qui est très très important. Il y avait une autre question sur la fin. Ah oui, sur la carte scolaire. Effectivement, il y a des parents qui essayent de gruger un peu sur la carte scolaire. Alors ça, c'est dommage parce que du coup, il y a des écoles où il n'y a plus du tout de mixité. Et quand on en parle aux élus des mairies en leur disant ce serait bien, par exemple, des fois il suffit de changer une rue d'école pour que ça crée de la mixité dans une école et que du coup ce soit moins un ghetto, que les enfants apprennent les uns des autres. Et les élus ils nous disent non, on va pas faire ça parce que personne ne voudra aller faire la mixité dans votre école. Donc c'est assez compliqué de raisonner les élus sur le fait que la mixité c'est la base, sinon les enfants ils pourront pas apprendre d'autres choses que ce qu'ils connaissent déjà. Ouais. plus tard, merci. Du coup, ça, je suis d'accord en fait ce que tu dis en fait, bah, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on a chaque élève en fait un socle culturel. Alors en fait moi ce que je suis en train de dire c'est en regardant des vidéos de Franck Lepage, je sais pas si donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris quelques trucs. Et donc c'est vrai que c'est assez logique, on a tous un socle culturel par rapport à notre éducation, notre famille, nos origines, voilà, tout un tas de choses. Et on n'a donc pas le même. Et donc pour la question, donc c'est là où je pense que du coup l'école a un rôle d'éducation plus que voilà, que juste d'information, d'information, de renseignement, d'apprendre par cœur. Il y a vraiment, je pense, un rôle aussi d'éducation culturelle, si je sais pas. Enfin, et d'ailleurs, voilà, ça me fait penser. Et donc, je voulais en revenir aux inégalités. Ça me fait penser à, du coup, quand il parle de l'égalité des chances, Franck Lepage, il dit que l'égalité des chances, c'est en fait partir au même point, partir de la même ligne pour le lièvre et la tortue. Donc voilà ce qu'est l'égalité. Donc c'est pas pour moi. Je rejoins totalement quoi. C'est pas une égalité des chances. C'est ce qu'il nous propose en fait. Donc c'est de partir sur la même ligne, mais pour des élèves qui n'ont pas déjà les mêmes bases. Donc ils courent pas à la même vitesse. Donc finalement, est-ce que à la fin ça sera une égalité? Forcément pas. Du coup, pour quand même poser une question très technique, pourquoi en fait tout simplement certaines écoles, je prends un exemple très concret, ma sœur aussi est institutrice, elle a à Champigny-sur-Marne par exemple, toutes les écoles sont classées en, alors je sais plus le terme exact, en ZEP ou EP, sauf la Politzer, qui pourtant, sauf l'école Politzer qui est au centre-ville en fait. Et apparemment, c'est assez bon. Enfin, on sait pas trop, mais c'est assez. Est-ce que c'est politique en fait de pas la passer en ZEP? Donc, je sais pas. J'en profite comme le micro est coincé juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis et ce que t'as dit. Je pense aussi certainement, enfin, en quoi l'école a un rôle d'éducation différemment des parents. C'est et surtout pour les personnes venues de l'immigration, c'est d'apprendre, parce qu'on avait tout à l'heure une boîte à questions sur la communication. Il y a quand même des codes de communication dans un pays qui permettent un petit peu voilà, de trouver un travail, de savoir rien comment ça fonctionne, quoi, comment s'adresser à l'autre. Et l'école certainement a un grand rôle à jouer pour apprendre ça. Oui, bien sûr. Bah oui, le rôle éducatif est important. Alors c'est vrai qu'il y a des quartiers qui ont plus de besoins que d'autres. Donc il y en a qui sont classés en REP, il y en a d'autres qui ne le sont pas. En fait, il y a eu à peu près, il y avait 2500 quartiers prioritaires en France. Soi-disant, pour concentrer les moyens sur les quartiers les plus défavorisés, ils l'ont réduit à 1400. Donc, ils ont sorti 1000 quartiers de l'éducation prioritaire. Mais en fait, ça n'a pas amené plus de moyens dans les écoles qui étaient en éducation prioritaire. Donc effectivement, l'égalité des chances, ce serait de donner plus de moyens à ceux qui en ont plus besoin. Mais c'est pas tellement ce qui se fait, quoi. Normalement, il devrait avoir moins d'élèves par classe. Alors le classement des écoles en REP, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il faut que le collège soit en REP. Et donc toutes les écoles qui en dépendent après sont en REP. Ce qui se passait dans une école où j'étais, bah, comme le collège n'était pas en REP, bah, notre école ne pouvait pas être en REP. Le quartier zone urbaine sensible était de l'autre côté de la rue. Donc, comme l'école n'était pas dans la rue zone urbaine sensible, ben, on n'avait pas droit aux critères zone urbaine sensible, quoi. Enfin, voilà, il y a pas mal. De toute manière, tout est fait pour faire des économies. Mais c'est des économies à court terme parce que à long terme, ben, on sait très bien que les enfants qui vont être en difficulté, qui vont être en échec scolaire, qui vont être déscolarisés. D'abord pour eux c'est pas terrible, et puis même pour la société, quoi, on peut pas mettre à l'écart des enfants voilà sur ces critères là quoi, c'est terrible quoi. Ouais, donc il y a du boulot. Bon, oui. Alors après Yves s'impatiente avec ses poèmes, donc on va. C'est pour ça que je propose juste la dernière question, puis comme ça après je te laisse conclure en même temps, puis on passera à Yves. Durant votre intervention, vous avez évoqué le taux de, alors je sais plus si c'est le taux d'immigration qui était en Finlande à 2%, c'est ça? Et en fait, je voulais savoir en fait si vous saviez en France à quel niveau il s'élevait, puisque voilà, enfin c'est juste une question parce que. Non, je sais pas du tout. Bah, j'imagine que en plus les chiffres en fonction de l'immigration légale et illégale doivent être différents. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à profiter de cette richesse, quoi. Parce que, bah, il y a des ghettos, il y a des quartiers où il y a que des Turcs, il y a des quartiers, puis même les enfants entre eux, ils répètent ce qu'ils entendent parfois à la maison. Enfin, c'est difficile, hein. Dans les écoles, on entend vraiment tout. Et c'est dommage qu'on n'ait pas toujours le temps justement de reprendre ça avec les enfants. Bah voilà, c'est pas parce que tu viens d'un autre pays que c'est moins bien, que c'est voilà, c'est juste différent quoi. Et l'éducation à la différence, bah elle se fait assez mal dans les écoles en France, c'est assez dommage. Voilà, bah la conclusion, de toute manière depuis le début, hein, je dis il y a pas assez de moyens, c'est difficile. Hein, on voit que dans les pays où ils mettent des moyens, où il y a 20 élèves par classe, bah ça fonctionne quand même mieux que quand il y en a 30, voire 32, quoi. Donc c'est sûr que ça suffit pas les moyens. On nous dit oui, les enseignants vous râlez tout le temps, vous demandez encore des moyens. Alors par exemple, moi j'aurais pas demandé à être augmenté, soi-disant on va avoir des primes là, de l'argent en plus par mois et tout ça. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait moins d'élèves dans les classes et qu'on ait une meilleure formation pour tous les enseignants, des meilleures conditions de travail, pour le bien des élèves, hein, pas pour nous, plutôt que d'être augmenté. Je trouve que c'est très démagogique. Alors, c'est vrai qu'on est mal payé, mais quand même, il y a plein d'autres boulots où ils sont mal payés, de toute manière. Donc, voilà, on n'est pas les plus démunis. Donc, voilà, bah, j'espère que vous aurez envie de lutter pour l'école de votre quartier, pour qu'il y ait plus d'enseignants. Voilà. Bon courage. Merci. Donc je laisse la parole à Yves, un camarade.